Depuis dimanche, depuis que le gouvernement canadien a donné l'autorisation à l'équipe canadienne, qui est le Canadien, de voyager aux États-Unis sans quarantaine, ben évidemment, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. Et parmi ceux, ben, c'est les athlètes olympiques, hein. On est à un mois, un petit peu plus d'un mois pour des Jeux olympiques. Et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes avec le fonctionnement et avoir une préparation adéquate pour les Jeux de Tokyo. On en parle avec un des entraîneurs de l'athlète olympique, Jude Dufour. Salut, Jude! Salut, Danny. Jude, qui est l'entraîneur de Léon Bouchard, qui devrait participer normalement aux Jeux olympiques de Tokyo. On t'a vu, on t'a entendu, puis je t'ai lu beaucoup sur les médias sociaux, surtout ton post que tu as fait sur Dominique Gauthier. J'ai trouvé ça tellement bon comme post. Tu as dit les athlètes, les politicos sont bons pour demander se coller à des athlètes olympiques quand c'était des Olympiques, mais ils ne nous donnent pas vraiment ils nous permettent pas de bien nous préparer en vue des Jeux. J'ai trouvé ça bon, et pas comme commentaire. Oui, ça a coupé, Danny, un petit peu. Je ne sais pas. Et, bref, veux-tu Ben, en fait, recommencer ta question? c'est sur ton post que tu as fait avec Dominique Gauthier que tu OK. as dit, j'ai trouvé ça excellent comme post. Tu as dit, les athlètes, les politicos sont bons pour nous coller à des athlètes olympiques durant le temps des Jeux pour que ça paraisse bien. Mais là, on a besoin d'eux, puis là, ils sont pas là. J'ai trouvé ça excellent comme commentaire. Ben, écoute, moi, je pense que je suis un petit peu, je bouille un peu de l'intérieur, là, Et tu t'es Danny. fâché parce que ce matin, tu étais fâché maintenant. Ouais, mais je bouille de l'intérieur Ah encore. oui. J'ai encore beaucoup de difficultés à digérer le traitement qu'on porte à nos athlètes amateurs, tu sais. Puis, on dirait qu'on a comme traité, c'est comme il y a des grands joueurs, il y a des grands joueurs qui sont nos joueurs de hockey, puis il y a les petits joueurs qui sont nos athlètes olympiques qui vont aller représenter le Canada. Moi, Ouais. je trouve ça complètement déplorable. Puis, tu sais, ouais, en effet, je n'étais pas trop de bonne humeur. Puis, plus souvent qu'autrement, après ça, on veut le spot médiatique pour émousser la campagne électorale, là. Puis, après ça, on va demander à ces athlètes-là d'aller se présenter là, à la Chambre des communes pour les présenter à nos politiciens. C'est là qu'on a besoin. C'est 50 jours. J'ai quasiment peur qu'il soit trop tard. T'imagines le stress qu'ils vivent. Ils vont faire des compétitions D'abord, internationales. l'impact de ce qui se passe chez les Hambourg. Explique-là, tu l'as expliqué ce matin au téléphone, mais j'aimerais ça que tu le réexpliques. C'est-à-dire que c'est. Écoute, Léon, on attend la réponse. On attend la réponse pour la sélection olympique. Bref, il n'y a rien de décidé encore. Mais normalement, il devrait participer. Ça joue entre l'Ontarien et le Canadien. Présentement, il y a des pour et des contre. Ça va être très serré, moi, je pense, au niveau décisionnel. Là, l'autre affaire, c'est qu'est-ce que ça fait pour Léon? Bien, évidemment, les courses de préparation ont eu lieu il y a un mois en Europe. Présentement, Léandre, c'est du stress supplémentaire qu'ils vivent à toutes les fois qu'ils traversent les frontières. Puis écoute, c'est un athlète professionnel, il aime ça revenir chez lui. Il a décidé de ne pas passer ses mois en Europe parce que l'Europe, c'est extrêmement important pour eux. Puis quand il revient ici au Canada, c'est terrible, là, les traitements qu'on lui porte présentement. Bon, puis d'autant plus, il y a aussi de la vaccination qui a été faite, là. Non, oui. Il y a deux doses de vaccin qui ont été administrées dans son corps. Ils sont testés à maintes reprises. Lors de la dernière visite en Europe, là, des Coupes du Monde, en République tchèque et en Allemagne, il a été testé 7 fois, là, en 2 semaines, là. Puis il revient avant de prendre l'avion, ils font un test. Ils débarquent de l'avion, ils font un test. Le douanier, après ça, lui demande s'il est un joueur de hockey. S'il n'est pas un joueur de hockey, Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. il s'en va à l'hôtel, puis on lui demande 1 400 $ pour 10 heures d'hôtel. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, on commence. Lui, dans son cas, Léon, il s'en est sauvé parce qu'il y avait une assistance médicale. OK. Mais il était avec deux de ses teammates. Puis les teammates, eux autres, ils ont payé 1 400 $ puis sont allés à l'hôtel pour. Ils sont pas riches. Les athlètes olympiques, c'est pas Non, les athlètes riches, là. non, Tu sais, non. Non, c'est ça. Puis après ça, est-ce qu'on veut des athlètes performants au niveau de la scène internationale? En tout cas, présentement, là, il y a vraiment de l'iniquité. Moi, c'est pour ça que je me suis levé. Jude Dufour, d'habitude, le coach Judy est assez paisible dans ses propos. Je ne suis pas de type à soulever des controverses. Mais je peux te dire, depuis hier, là, je bouille de l'intérieur, puis j'ai posté, je ne me suis pas gêné, puis j'ai mis des commentaires, puis il en sort encore. Puis là, il y a eu un article de la presse de Simon Drouin ce matin sur les Andes au niveau national. Ça l'a sorti. Il y a Dominique Gauthier qui a sorti. Il y a Marc Durand qui est sorti aussi. Puis il faut que ça bouge. Moi, je pense qu'on s'en Avez-vous, va parce vers que la ça marche direction. par lobbying, on ne se montrera pas d'histoire, c'est de la politique, là. Ça fait longtemps que je le dis que c'est plus une crise sanitaire, c'est une crise politique qui est déguisée en crise sanitaire pour que les gens adhèrent à ça, mais il n'y a plus rien de politique. D'ailleurs, Statistique Québec a fait un rapport ce matin. Depuis 2020, on n'est plus en surmortalité. Donc, la pandémie, laissez-moi tranquille avec la pandémie, là. Sauf que ça, c'est un autre débat. On va revenir sur le plan sportif. Est-ce que vous avez. Est-ce qu'on se contente pas d'histoire, ça aurait crié si le Canadien aurait été obligé de s'en aller aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, là. Mais donc, il y a du lobbying. Est-ce que vous, du côté des athlètes olympiques, est-ce que vous avez quand même du lobbying? D'abord, vous avez, même si c'est canadien, même si c'est fédéral, vous avez un athlète olympique qui est ministre des Sports au provincial. Il me semble que ce serait bien placé pour pousser. Est-ce que vous avez eu des interventions là-dessus? On sait comment qu'elle est, Isabelle, là, J'en ai eu des interventions avec une ancienne cycliste professionnelle là, qui est du OK. Parti libéral, Mme Bessette. Puis c'est des retours très laconiques. J'en ai eu un autre ce matin. Je me OK. suis permis Écoute, comme je te dis, Danny, là, je bouille de l'intérieur. Je me suis permis d'aller sur son Messenger personnel. Puis j'ai dit non, j'ai partagé l'article. Puis elle, Mme Bessette, elle s'est servie de Léon pour émousser une de ses activités de mise de fonds. Puis tout ce qu'on a comme réponse, c'est des réponses qui sont laconiques. Alors, oui, c'est pour la santé et la sécurité de nos Canadiens. On fait notre possible. Et on ne peut pas faire disparaître la pandémie par une baguette magique. C'est à peu près la réponse qu'on a reçue. Comment OK. veux-tu qu'on réagisse par rapport à ça? Les athlètes, là, moi, là, les athlètes, regarde-toi, en fin de semaine, les gens font une Coupe du Monde, là. Puis, il faut qu'ils se concentrent sur ce qu'il y a à faire. Ouais. Puis ça, Moi, sur le plan sportif, c'est quoi les impacts? C'est sûr que ça, c'est un stress, t'as pas stress besoin. supplémentaire, perte d'énergie. OK. Argent, puis l'autre affaire, c'est que, puis de l'argent, c'est important, c'est le Ben nerf de la oui. guerre dans ces organisations-là. Chez les athlètes, il ne faut pas se leurrer, là. Après ça, oui, puis beaucoup, beaucoup de stress, comme j'ai mentionné, puis souvent des contextes d'entraînement qui ne sont pas favorables. Parce que lorsque Léon est venu, il a refait son 2 semaines de quarantaine. S'entraîner en cachette, s'entraîner à l'intérieur, s'organiser pour voir de monde. Écoute, tabarouette, il venait de faire ses meilleurs résultats à vie. Il n'a pas vu personne. Non, ça marche pas. Il n'a pas vu personne. Il est reparti. Puis là, il y a ces deux vaccins. C'est quoi l'histoire, là? À un moment donné, je pense qu'il faut lâcher prise un Qu'est-ce peu. que du côté Puis en effet, c'est des. politique. OK, bon, ça fait longtemps que je dis que c'est Ouais, je politique, pourrais ça. aborder ça. Ben, c'est politique présentement parce que. Là, on veut ouvrir les frontières, mais on veut voir qu'est-ce que la population en pense. On lance un ballon, on veut voir comment est-ce qu'il en pense, qu'est-ce que les gens vont en penser. Monsieur Legault disait pas avant vers la fin août. Là, ils vont en parler, ils vont faire des petits sondages. Si la Non, population dit, ça a écoute, du bon sens, ça ils vont décoller ça. n'a plus rien. Ça fait longtemps que c'est plus possible. Ça fait longtemps que moi, je dis que c'est plus juin 2020. Je me suis fait peut-être complotiste, mais ça, regarde, c'est autre affaire, mais regarde, les chiffres sont pour moi. Dis-moi, est-ce que vous avez songé à un moment donné, quand vous avez vu que ça niaisait beaucoup, de s'expatrier aux États-Unis pour finalement être comme dans une bulle, Oui, mais aux je comprends États-Unis? ce que tu veux dire. Ben, Léon, il l'a fait. Léon, il était. Ben, oui, ça s'est fait. Moi, je n'ai pas OK. suivi parce que normalement, je devrais être avec, là. Puis les sélections de Rio, j'étais avec Léon. Là, il était avec son staff pivot. Je suis même son entraîneur personnel. Puis des fois, ça suffit d'un petit détail pour faire une différence. Puis oui, Léon, il l'a fait. Il est parti 4 semaines aux États-Unis avant de traverser en Europe. Alors, quand il est parti des États-Unis, il a traversé en Europe, il n'y avait pas de quarantaine, il y avait seulement des Non, tests. c'est ça. Mais il est revenu pour repartir en fin de semaine. Il est revenu 3 semaines. Alors, il a été 1 semaine déconfiné, mais il a été 2 semaines en quarantaine. Fait que, il a vu, puis je peux te dire que Léon, c'est un solide, là, psychologiquement, il est fait fort. Ouais. L'autre aberration, là, de Danny, là, Victor Véraud, tu le connais? Ben oui, Victor, je fais plusieurs entrevues avec elle. Victor, il va aller faire. Là, il est en Europe. est en Europe, il est en Autriche présentement, il se prépare pour la Coupe du Monde. OK. Lorsqu'il va revenir, il y a une Coupe Canada à Saint-Félicien le 11 juillet. Ouais. Parce qu'il va revenir le 4 ou le 5. 14 S'il y jours a de. encore des mesures de quarantaine, il ne pourra pas participer à la Coupe Canada, il va rester chez lui. Il va avoir puis on n'a tellement pas de compétition pour augmenter les points internationaux. C'est un peu comme au tennis que ça fonctionne. Au OK. Canada, on n'a pas beaucoup de courses pour upgrader le rang mondial de l'athlète. Ben, il ne pourra pas participer à une compétition nationale importante parce qu'il va être en quarantaine, puis 8 ans, il a ses deux doses aussi. Fait qu'à un moment donné, il ne faudrait pas. Il va attendre à la maison, il va avoir une course à 2 km de chez lui, 5 km de chez lui. Puis il va attendre pour faire sa quarantaine. À un moment donné, Doublement là. vacciné en plus. C'est quoi? Hein? Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance au vaccin. Tu diras ce que tu voudras. S'il y avait Je ne confiance sais au pas. vaccin. Ça, là-dessus, Hey, je peux pas rentrer là-dessus. Jules, parle-moi des conditions d'entraînement de Léon. Bon, écoute, c'était des conditions. Cet hiver, c'était des conditions beaucoup hivernales. Il a fait vraiment, vraiment une très bonne préparation. On est vraiment, vraiment content de la façon dont Léon est sorti parce que peut-être que c'est suffisant pour la sélection olympique. Parfois, il fallait qu'il batte la sixième position de Peter Dechera 2019. Ça, c'est un autre débat avec Cyclist Canada. Il est possible que ça C'est soit un autre. politique aussi, hein? Moi, je Il est suis pas. possible que ça soit un autre débat. Mais présentement, on va parler des conditions d'entraînement, Léon. C'est une des conditions quand même. Intéressante parce qu'il y a quand même beaucoup de partenaires d'entraînement ici à Alma. Par contre, il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Léon est quand même resté chez lui. Il est parti aux États-Unis pour faire quelques courses américaines. Puis après ça, il a filé. Mais disons que ce n'est pas des conditions optimales, mais beaucoup de bases d'entraînement. Musculation. Moi, j'ai travaillé beaucoup en FaceTime à distance aussi. C'est pas l'idéal. Ah, écoute, ben là, on pourrait te raconter ça pendant des Comparativement heures. aux autres pays, c'est quoi les entraînements? C'est des entraînements normaux. J'imagine aux États-Unis, c'est la même. C'est des athlètes américains, les compétitions en Europe, c'est la même affaire. J'imagine eux Ah, aussi. en Europe, c'est complètement différent. Le Donc. staff peut se déplacer d'un pays à un autre sans quarantaine. Bon, OK. en parallèle, il y a des compétitions. Il y a la Coupe de France, il y a la Coupe d'Italie, il y a la Coupe d'Espagne. Écoute, des courses, là, des courses de type national, il y en a toutes les fins de semaine. Alors, tu pars avec ton staff, puis tu te C'est présentes. comme en 2019, Jean. Exactement. OK. Évidemment, il y a des mesures. Il y a mesures Ouais. de masque avant le départ, un test avant d'amorcer. Mais ça, c'est quoi? Ouais, il y a des tests qui se font. Alors que ici, le staff à Léon, lors de les deux premières Coupes du Monde, de l'équipe Pivot and the Edge. Ils n'ont pas pu se déplacer parce que c'est un monsieur et une madame qui gèrent ça, monsieur Auclair. Puis il ne voulait pas revenir avec une quarantaine de 2 semaines. Alors, en Europe, le staff, il suit, il n'est pas mis en quarantaine, ils peuvent voyager, ils peuvent compétitionner. On a donné un statut d'athlète professionnel. Alors, ici, on a donné le statut de l'athlète professionnel. Présentement, je pense au hockey. Il y a le NBA qui veulent Je pense que peut-être. les Jays vont faire pression. Quelqu'un tantôt m'a dit, parce que j'ai une chronique business du sport, Jude, puis j'ai parlé de ça, puis écoute, là, lui, il avait pour son dire que c'est une question d'argent. Tout ce qu'ils ont demandé, protocole, que le gouvernement a exigé aux Canadiens, c'est énorme, ça prend beaucoup, beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Donc, es-tu d'accord avec ça? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Ouais, tout le c'est ça. monde. Moi, je Parce qu'à pense un moment qu'il. donné, là, mais moi, j'en reviens encore à l'image qu'on a du Canada. Parce qu'on a eu les Jeux olympiques de Vancouver en 2010. On a eu une belle récolte de médailles. On était fiers de nos athlètes. On est fiers comme nation. On est une nation aussi qui croit au développement par le sport et aux valeurs qu'on transmet à travers nos enfants et notre éducation, à travers le sport. Bon, mais à partir, oui, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas belles. Alors, comme gouvernement, ils ont un devoir de faire en sorte que nos athlètes aient des conditions d'entraînement favorables. Puis l'autre affaire, c'est ceux qui vont vouloir tout se faire prendre en photo avec des beaux selfies avec C'est les sûr. athlètes à leur retour. Ouais. Alors, moi, je pense qu'on devrait, les athlètes devraient boycotter la visite dans la Chambre des communes à l'automne C'est parce que que mais il était juste même s'ils rouvrent les vannes un peu, là. Je pense qu'il y a du tort qui a été pas mal, pas ça. mal. Quand tu disais tantôt, il est trop tard. Je pense qu'il est déjà trop tard. C'est sur quoi, hein? C'est sur quoi? Ben, il est trop tard dans le sens que le stress Ouais. a été. Écoute, je vais te parler d'Antoine Bouchard, le judoka Oui. qui a fait 5e à Rio. Lui, il a attrapé la COVID lorsqu'il est revenu. Il a été retesté de nouveau. Écoute, c'est pathétique, là. Il a le championnat du monde. Ils l'ont testé après 2 mois. Il y a un article de Joanne Saint-Pierre, justement, cette semaine. Il attend à la maison présentement. Il n'a même pas pu se déplacer en Hongrie pour faire les championnats du monde. Ils ont été mis en quarantaine. Jean-Philibert Thibaudeau, en athlétisme, est allé faire un essai de temps olympique à Paris la semaine passée. Il était tout seul comme un. Parce que je le connais, là. Puis mon fils, il est ami avec Charles. Puis écoute, il était tout seul à Paris à aller faire son essai de temps olympique. Écoute, c'est un athlète olympique de renom au niveau canadien. Puis on peut en nommer, on peut en nommer. Ah, Kingsbury s'est et Mike, bah oui, Michael empêché Kingsbury. d'aller faire un camp d'entraînement parce que ça fait trois quarantaines qu'il fait, il était écœuré. Léon, ça fait trois quarantaines qu'il fait, il était écœuré de faire ça. Il n'y a rien de fun, là. Puis là, on avance là, au niveau sanitaire. À un moment donné, il faut donner, faut Et ouvrir le les temps. sport, depuis un an, le sport, normalement, là, aide au système immunitaire. Ben oui, Faire du c'est ça. sport aide le système immunitaire. Est-ce que tu as entendu nos gouvernements parler de monter le système immunitaire, de faire face à un virus? Jamais. Tu peux me Jamais tu faire as parler entendu là-dessus. parler. J'en ai long à dire là-dessus parce que. Jamais on a entendu parler du système immunitaire. Arruda, jamais parlé de l'importance d'avoir un bon système immunitaire C'est pour clair. confronter C'est la clair. Moi, COVID. je suis un kinésiologue de formation, là, puis je suis entraîneur. Mais là, regarde, c'est drôle parce que là, tu sais, les saines habitudes de vie, là, Ah, tu as ton masque, tu peux fumer, manger de la scrap, manger n'importe ouais. quoi. Puis si t'as ton masque, là, tu sauves des vies. Alors, tu peux faire à peu près n'importe quoi pour ce qui est du reste. À un moment donné, il y a des limites. Je pense qu'il va falloir revenir un petit peu à la normalité. Mais Ben oui. je vais m'arrêter là parce que j'ai pas mal d'affaires à dire là-dessus. Je veux te parler d'un autre sujet. Tantôt, tu as parlé que ça va se décider entre Léon et un Ontarien, c'est ça? Historiquement parlant, moi, je suis pas un gars qui fait de la politique, mais il y en a de la politique au sein d'Olympique Canada. Est-ce que Cyclisme Canada, c'est la même affaire, là? Est-ce que tu penses qu'ils vont favoriser l'Ontarien parce qu'il est anglais? Tu sais, ça a Non, mais déjà je vais. arrivé, là. Non, C'est arrivé souvent, là. mais je vais t'expliquer les critères, parce que c'est noir sur blanc, les critères. Le premier critère, c'est que Cyclisme Canada, ils ont décidé de conserver les résultats de 2019. OK. 2019, Peter Lesser a fait sa meilleure course sa vie, sixième en 2019 en France. Au OK. géant en France, j'y étais d'ailleurs. Léandre, son meilleur résultat, ça a été 14e. 2020, il compte pas 2020. Ils ont dit, on garde 2019. Maintenant, Léon, depuis 9 courses internationales, incluant les championnats du monde, ça fait 9 fois que Léon bat Peter Desilva. 9 fois. On a fait un OK. grand. Donc, normalement, il Neuf devrait... fois. Bon, mais cependant, noir sur blanc, c'est inscrit que les résultats de 2019 comptent. Maintenant, il y a une petite clause 9 qui dit, il faut quand même que l'athlète démontre un certain niveau de compétitivité. Maintenant, est-ce que la 42e place et la 44e place de Peter, c'est suffisant pour dire qu'il est à peu près à un niveau relativement compétitif, comme on le souhaite? Ben, ça va jouer là-dessus. Alors, oui, c'est pas si blanc tout ça. Non, OK. S'il participe, parce que normalement, là, tu viens me parler des conditions, mais c'est quoi l'objectif? Ah, Léon, c'est de faire le top 15 Top olympique. 15? Écoute, OK. en Allemagne, ce qu'il a fait, sa première course internationale, ça valait 12 olympiques, ça. Écoute, OK. il y a 200 meilleurs riders de vélo de montagne. Léon, il était dans une grosse pointure. Puis les pistes, ça dit quoi au Japon? Parce qu'il Sont-ils... l'a fait, il a fait le parcours d'essai avec OK, il l'a Peter fait la paire. en OK. 2019. Ils ont été faire le Test 7 en OK. 2019. OK. Puis, c'est un parcours hyper challengeant. OK. C'est comme un autre type de génération de parcours. Bon, Bon. Léon, les parcours, ça ne lui fait pas peur. Présentement, je pense qu'il a fait une coche. On va voir Léon dans le top 10 mondial. C'est ce qu'on vise cette année. Puis éventuellement, je pense que Léon, c'est peut-être un top 5 mondial. Ah. Il y a toutes les possibilités. Il y a des grosses, grosses capacités. Au niveau de ses chiffres, moi, je mesure beaucoup les chiffres en monitoring, là, avec les Okay. wattages, les chiffres, parce qu'on travaille beaucoup avec des capteurs de puissance. Puis j'ai de plus en plus de référents avec des gars comme Mathieu Van Der Poel, Pete Koch, etc. Puis Léandre, de plus en plus, il s'approche, là. ils s'approchent avec des chiffres qui sont vraiment, vraiment compétitifs dans le top 10 mondial. Fait qu'à un moment donné, il faut comme tous les as s'alignent. Puis lui, avec son nouveau commanditaire, Foresco, il va être professionnel jusqu'en 2024. Il l'appuie là-dedans, il continue à l'appuyer pareil, même si tout ce qui arrive, j'imagine. Il Ah n'y non, a c'est pas pas un gros grave, problème. Il n'y a pas de problème. OK. ça c'est pas grave. Léon, OK. c'est jusqu'à Paris 2024. Alors, si c'est pas Tokyo, on va être meilleur, ça sera Podium 2024, Paris. Ben, Puis, l'objectif, ouais. il me semble d'avoir fait une entrevue avec toi l'automne, c'était de. Ce serait un bonus d'être à Tokyo, hein? Le vrai objectif, c'était Paris, hein? Si je me rappelle bien, là. Non, à l'époque, Léon, on visait plus Tokyo parce qu'en 2016, il était jeune. OK. Il avait 24 ans, c'était un petit peu une surprise. Alors maintenant, Est-ce que mais Victor a des chances, à un moment il donné, y a un spot olympique, il y en a un gars qui y va. Il y a deux femmes, puis il y de... Ouais. a un homme. Écoute, un homme au Canada. Et Pas beaucoup, hein? Léon, il a fait 9 courses internationales, qui est premier Canadien. Puis les deux premières Coupes du Monde, il a vraiment démontré qu'il était compétitif. Mais Peter, c'est un bon coureur. C'est un peu plus jeune que Léandre. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, là. Il y aura... Victor Ah, là-dedans. Victor a encore des côtes à manger au niveau OK. U23, des côtes à manger. Ben, je ne dis pas que Victor, il n'ira pas progresser, mais tu sais, Victor a encore des côtes, là. Il n'est pas de calibre, Léandre, là. Il sait très bien aussi, là. OK. Mais Victor, il s'améliore. Puis on ne sait jamais. Des fois, il y a des courbes de progression qui sont fulgurantes. Ouais. Ouais. C'est pas tout le temps, c'est pas toujours une corrélation étroite là, avec une tangente qui est toujours constante au niveau de la. Ça, on ne peut pas présumer ça. Mais il est possible aussi. Tu sais, les athlètes, ils ont des rêves, mais tu sais, il y a les Olympiques, mais il y a bien d'autres choses aussi. Ah oui, il y a les championnats du monde, il y a des coupes Ah, du monde, il y a il les y a Coupes toutes du sortes Monde. d'affaires. Ah, il y a plein d'autres Un compétitions. jeu très intéressant. On va continuer à te suivre. Écoute, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis à 300% avec vous autres. Oui, je suis content que le Canadien, ce qui arrive, mais c'est pas juste le Canadien, c'est le sport. C'est pas juste le sport. La personne qui veut voyager, c'est la personne qui Ouais, travaille aux c'est États-Unis. ça, c'est C'est ça. tout le monde, dans le fond, là, que ça arrête d'un moment donné. Sais, Danny, la pandémie, moi, m'a fait voir le fossé encore plus marquant entre le sport professionnel et le sport amateur. Puis ça, Mais ce qui est choquant là-dedans, ça me touche beaucoup. Je pensais pas qu'il y avait autant de fossé que ça. tu as tellement raison quand tu dis ça. Les politicos sont bons pour les scoler aux athlètes olympiques quand il y a le temps des Jeux. Ouais, Puis ouais. ça, c'est tellement vrai ce que Ah, tu c'est dis. tellement vrai. C'est Moi, tellement vrai, là. ouais, c'est ça. Et on veut profiter de l'exposure. Mais là, c'est là qu'ils n'ont besoin. Là, à date, Ouais. là, j'ai parlé à Richard Martel. J'ai Lui, il parlé doit être de à. votre bord à Ah, 100%, mais ouais, si tu mais veux qu'il regarde, fasse. il était supposé de me faire un retour. Il m'a pas fait de retour. Ça a été laconique. Ben, Ah. non, j'ai eu une bonne discussion, mais j'ai pas eu de retour. Madame Bessette, c'est laconique comme réponse. J'ai passé par Alexis Pourtant, Bessette. Richard, c'est un gars de sport, c'est un Ouais, gars, mais t'sais. ça n'a pas été. Je suis déçu parce que je m'attendais à ce qu'il me fasse un retour. On a discuté un bon 15-20 minutes ensemble. Puis ça, c'est à peu près un mois, le 17 mai exactement. Puis Là, j'ai il ne pas peut eu pas de dire qu'il n'y a pas nouvelles. eu le temps. Il ne peut pas dire Bon, qu'il n'y a pas eu le temps. regarde, écoute, là, Ouais. c'est un sujet chaud présentement, là. Moi, il me semble que si je deviendrais député, là, je verrais un dossier comme ça. Je me leverais bec et ongles là, pour le bien-être des athlètes canadiens, là, me semble, là. Puis la valeur de l'équité, là, c'est-tu quelque chose qui est important dans notre société? Ou parce que tu as de l'argent, on t'en donne plus, puis parce que tu n'as pas d'argent, on t'en donne moins. C'est une valeur d'équité, c'est une valeur qu'il faut transmettre au niveau social, ça. Il me semble qu'ils ont un exemple qui est frappant présentement. Moi, c'est ça qui me Ah. rappelle. Juste du faux gros merci. On va se reparler bientôt si tu permets. On va suivre le dossier de près. Trop intéressant. Parfait. Salut, Danny. L'entraîneur Jude Dufour qui dirige Léon Bouchard, qui a des chances de participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Merci, merci, c'est très, très intéressant, hein? Parfait, Danny. Ça Merci, fait c'est plaisir. beau, salut. Ouais.